Araps Michel Thomas, méthode audio italien débutant. Copyright 2008. Contenu, Thomas Keymaster Languages LLC, tout droit réservé. Enregistrement, Chambers Harrap Publishers. Vous allez faire l'expérience d'une approche radicalement neuve et différente de l'apprentissage en général et de l'apprentissage des langues en particulier. Cette approche va vous donner en quelques heures une connaissance pratique et fonctionnelle de l'italien. Tout cela est possible et je vous garantis que vous y parviendrez sans effort de mémorisation, sans rien à apprendre par cœur, sans exercice, sans manuel, sans prise de notes et sans devoir. Tout d'abord, il est très important de vous détendre, de vous débarrasser de l'appréhension souvent associée à l'apprentissage et particulièrement à l'apprentissage des langues. Car toute appréhension, toute tension est un obstacle à un apprentissage véritablement efficace. Avant de commencer, voici deux règles de base capitales. La première est de ne jamais vous soucier de retenir ce que vous avez écouté et donc de ne jamais essayer de vous remémorer quoi que ce soit. En effet, dans notre méthode, c'est le travail de l'enseignant qui va garantir une bonne mémorisation. Et c'est aussi l'enseignant qui doit faire en sorte que l'attention de l'élève soit soutenue. Il n'y a donc pas de devoir à faire et il est très important de ne pas réviser ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris sera absorbé et intériorisé naturellement et vous n'oublierez pas les connaissances que vous aurez acquises. Maintenant, j'en arrive à la deuxième règle de base, qui est elle aussi essentielle. Dans cette méthode, j'ai recours à deux étudiants afin de créer une situation d'apprentissage à trois. Très rapidement, vous vous associerez à eux et vous deviendrez le troisième étudiant du groupe. Après avoir introduit un concept, je vous donnerai l'occasion de le mettre en pratique en vous montrant comment formuler et exprimer vos pensées dans des phrases. Ce seront d'abord des phrases courtes, puis des phrases de plus en plus longues et complexes. Et à chaque fois que je dirai « Comment dites-vous » ou « Dites-moi », à ce moment-là, il est capital, j'insiste, capital pour vous, d'utiliser le bouton « Pause » de votre appareil pour interrompre l'enregistrement. Cela vous permettra d'avoir le temps de penser, de bien réfléchir et de donner la réponse à voix haute. Au début de l'enregistrement, la pause est intégrée et indiquée par un signal sonore. Mais par la suite, vous n'entendrez plus de signal sonore et la pause ne sera plus intégrée. Ce sera donc à vous d'utiliser le bouton pause pour interrompre l'enregistrement. Une fois que vous aurez répondu, vous pourrez reprendre votre écoute. Vous entendrez alors l'un des deux étudiants donner sa réponse et après cela, je vous donnerai la réponse correcte, afin que la dernière impression vienne toujours de moi. Vous aurez ainsi le sentiment de progresser et d'apprendre constamment et vous trouverez cela à la fois motivant et gratifiant.